quand tu rentres, je t'ai dit, dans un bus, il y a écrit entrée et sortie. Ça veut dire quoi, ça? C'est une action. Ça veut dire quoi? Entrée, sortie. Est-ce qu'il y a un temps? Juste un mot. Maintenant, tu dis Ad-dukhul min huna. Wal-khuruj min hunak. Hada wa. Ad-tulu' min huna. Wal-nuzul min hunak. Hada wa. Par exemple, tu rentres à la mosquée, tu te dis Ad-dukhul min huna. Wal-khuruj min hunak. Tout ça, c'est quoi? Masadir. Il faut maintenant, Inch'Allah. Taïb. Il fait le mardi, ça veut dire quoi? Barakallahu fikoum, ça c'est un temps au passé. Taïb. Wa alamatuhu, on en avait parlé. Qui se souvient? Comment on peut reconnaître le fait le mardi? Le temps. Ta, mada, quel temps? Ta'anith. Hein, on avait dit que c'était un des signes, si ce n'est pas le signe le plus fort. Tu dis dahabat. Automatiquement, tu sais que c'est un verbe au mardi. Al-mudhara, il n'y aura pas le signe de quoi? De ta'anith, ni l'amr. Tu ne diras pas par exemple idhabat. Ou Zainabou tadhabat. Là, c'est un khatar. Ta'anith min alamat al-madi khasa. Tout le monde a compris ça? Si devant toi tu vois un verbe dhabat, akalat, kharajat, namat, sache c'est quoi? C'est un verbe madi et c'est quoi? Un sujet qui demande du féminin. Mais faut mahala? Automatiquement, si tu vois dhabat, soit il est précédé de quoi? D'un féminin. Tu diras par exemple Zainabu Dahabat. Ou Dahabat Zainabu. Et après, on va voir le reste de quoi? Comme Dahabtu, Dahabta, Dahabti et l'akhir. Hadi Aydan, min alamat al-fi'l al-mardi. Taïb, Inch'Allah? Alors on répète, Inch'Allah, on a dit quoi? Que le fi'l il a quoi? Imma al-mardi, imma al-mudara' wa imma al-amr. Et ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est quoi? الماضي وعلامته on a dit quoi التاء التانيث مفهوم هذا c'est compris ça et quand il y a un تاء التانيث automatiquement le sujet ce sera quoi ya Mohamed sera féminin مفهوم هذا tu diras pas ذهبت محمد هذا خطا طيب ان شاء الله tout le monde a compris jusqu'ici ان شاء الله c'est pas difficile et nous on va travailler avec ce verbe là ذهب طيب on va le conjuguer tous ensemble. Taïb, si c'est moi qui dis, par exemple, j'ai fait l'action de partir, je dirais quoi? Dahabtu. Dahabtu. Mais faut par exemple, si nous tous, on dirait quoi? Dahabna. Mais faut mada? Idan dahabtu liman? Mufrad al-mutakallim. Mais faut? Mufrad al-mutakallim. Sawa yakun mudakar ou muannath. C'est-à-dire, un garçon dit dahabtu, une fille elle dit dahabtu. Même la fille dit dahabtu. Mais faut? Un groupe de frères, il dit quoi? Comment? Parce que pour les femmes. J'ai pas compris ce que tu dis. C'est féminin. Répète Allah. C'est vas-y. Ta'anith, c'est que au féminin. Eh non. Ta'anith, c'est féminin. J'ai pas compris ça? Non, moi j'ai. Qu'est-ce que t'avais compris, Azman? Non, je n'ai pas compris ça. Par rapport au Astana. C'est-à-dire là, c'est quoi l'ishkal là? C'est quand j'ai dit d'Aepto ou? Par rapport à le reconnaître. C'est que c'est ce qu'on juge avec. On juge avec le ta'anith, min alamat al-fi'l al-madi. C'est-à-dire, devant toi, tu lis quelque chose, Allah hafadak. Tu vois, par exemple, kharajat. Par exemple, toi, tu es quelqu'un, tu es nouveau dans la langue arabe, tu vois kharajat Zainab. Tu connais pas ce prénom. Si tu as appris ce dars-là, automatiquement, tu sauras que quoi? Que Zainab, c'est quoi? C'est quoi? Vas-y, réponds. Voilà, c'est féminin. Et c'est quoi qui t'a permis de savoir? C'est le ta'anith. Mais faut ma'ada? Vous comprenez, c'est quoi une alama? C'est un signe qui t'a permis de savoir quoi? Que c'est un sujet au féminin. Tout le monde a compris. T'as compris l'arithmane? Non. Bien ou. Non, c'est vrai. Hein? Ah, c'est vrai. Taïb. Je peux dire Kharajat Zaydoun? C'est vrai. Ta'atani. Ça veut dire quoi? Ça demande quoi? Du féminin. C'est compris ça, Inch'Allah? Barakallahu fik. On revient, Inch'Allah. Alors même si vous n'avez pas compris, laissez-moi pas avancer. Comme ça, après, on ne revient pas. Taïb, on reconjugue le verbe. Allah ybarak fikoum. Taïb, on a dit quoi? Al-mutakallim. Dahabtu. Tout le monde y est? Ça c'est pour les garçons, spécialement pour les filles? Dahabtu. Non, pour les deux. Mufrad, vous, mudakar ou muannath. Taïb, هذا الجمع الآن كيف نقول؟ Dahabna. Mudakar ou muannath. Taïb, ou le mukhatab. Si je veux dire à un frère, il est parti, je dirais quoi? Anta, dahabta. Mufum, si c'est une sœur, anti, dahabti. Tout le monde a compris? Si c'est un groupe de frères? Antum, dahabtum. Si c'est un groupe de sœurs, antunna, dahabtunna. Tout ça, c'est quoi? Du pluriel. Et si ce sont deux frères? Dahabtuma. Dahabtuma. Et si ce sont deux sœurs?